ton cas m'intrigue. Fais encore des efforts. Je suis pas si naïve. On raconte que t'es pas libre. Arrête-moi si j'ai tort. Donne-moi une preuve d'amour. Je ne veux que des preuves d'amour. L'ailleurs, je veux te lover.